Salam, je vous souhaite le bonsoir, mon noble ami. Approchez, approchez, venez plus près. Faites-vous quelque chose de sale. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? J'y ai vraiment trop cru. Voici venu l'heure du Memento. Good morning, Vietnam! Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce nouveau Memento. Alors aujourd'hui, on est dans le troisième épisode de ce cycle qu'on consacre au lien entre le son, la musique et le cinéma. Aujourd'hui, on reçoit Nicolas List. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Alors Nicolas est un cinéaste américano-mexicain résident en Belgique qui parle très bien français, c'est génial. Et surtout, c'est un amoureux du son et de la musique, ce qui tombe vraiment bien. Alors Nicolas vient nous présenter Nightshades. C'est son deuxième album, le premier sorti l'année passée. Celui-ci est sorti eh bien, il y a juste un mois. Alors dis-moi si je me trompe Nicolas, mais ta musique c'est en fait un mélange de field recording, donc d'enregistrement sur le terrain, de musique concrète, de musique électronique. On est dans quelque chose de proche du collage sonore. Ouais, c'est ça. Moi, en fait, ma position, c'est que je ne mets aucune hiérarchie dans les sons. Pour moi, il y a de la beauté et de la musicalité dans tous les sons qui existent, que ce soit aussi bien une machine qu'une essoreuse, qu'un piano. Et voilà, je milite pour le communisme du son. Et d'ailleurs, avec ça, on va pas mal voyager, hein, avec tout ce que tu fais. Yep. Et un peu couche par couche. Et alors, avant de se lancer dans notre discussion, je propose qu'on écoute tout de suite ce que tu fais. Et donc, là, Nicolas va jouer en live pour vous, chers auditeurs de Radio Panique. Eh bien, donc, le premier titre, c'est donc Drone Squad. Drone Squad, oui, donc, voilà, c'est inspiré de sons de drones, etc. Voilà. Et donc, Nightshades, c'est ce deuxième album de Nicolas List. On est ensemble pour une heure, c'est parti. Thank you. Clown Squad, Nicolas List. Vous êtes bien dans le Memento, toujours dirigé entre le son, l'image, la vidéo, la musique. C'était donc, je vous l'ai dit, Nicolas List en live avec nous, Drone Squad, pour cet album donc Night Shades. Alors la question que tous les journalistes vont poser, la question extrêmement basique, mais Night Shades, c'est quoi? En fait, c'est une plante. Mais en fait, je trouvais que le nom était cool parce que en fait, si on décompose le mot, c'est une plante, oui, mais c'est aussi night shades. Et donc, en anglais, shade, ça veut dire lunettes de soleil. Et donc, night, la nuit, lunettes de soleil pour la nuit. Je trouvais le concept intéressant. Surtout parce que je pars du principe aussi que le monde dans lequel on vit est extrêmement stimulant au niveau visuel et que l'audio passe toujours après. J'ai vu ça dans ma vie, j'ai vu ça sur des films. On donne 3 mois de montage image et on donne 2 jours de montage son. Et sur un plateau de cinéma, ben, la G-son, c'est un peu le gars dans le coin qui... voilà. Qui doit pas trop crier, il est là pour faire son boulot et c'est l'image qui prend toute la place. Et bref, et puis on a toutes ces caméras qui sont là avec de plus en plus de mégapixels et les micros sont toujours aussi pourris. On a ces GoPro qui sont incroyables au niveau de l'image et leur micro, c'est vraiment de la merde, quoi. C'est vraiment donc voilà. Donc Nightshades, bref. je pense que il faut, c'est bien de temps en temps juste de fermer les yeux et d'écouter un peu les symphonies qui se passent autour de nous. Quand je voyage, en général, la première chose que je fais, c'est je trouve une... je vais soit dans une chapelle ou bien dans une église et c'est génial parce que y a jamais personne et puis j'écoute la réverb et les sons et voilà. Voilà. Mais toi qui as fait des études de cinéma, je te trouve quand même enfin assez dur vis-à-vis de l'image. Ça devient d'où justement le fait d'avoir mis le son au centre de ta vie et au centre de tes intérêts alors que tu as fait des études, ben, tu l'as dit, de cinéma. C'est vrai. Et c'est vrai que même avant le cinéma, quand j'étais en humanité, j'avais fait des études d'illustration. Et j'avais aussi écrit et illustré un livre quand j'étais à l'IAD. Voilà, je trouve que le son a une voilà, on a par rapport à un film, on dit toujours que l'image est en 2D et le son est en 3D et c'est le son qui nous touche physiquement, l'image reste là sur l'écran. Et voilà, je trouve que c'est un peu le parent pauvre du cinéma. Et bon, je vais prendre un exemple par rapport à mon long métrage que j'avais fait en 2012. Ben, on n'avait pas de budget, donc on a tourné tout le film dans le noir et j'ai créé tout l'environnement, toute la scénographie avec le son. Et donc avec ça, le spectateur imaginait tout ce qui se passait derrière sans que je le montre. Enfin, sans que je ne montre rien du tout, quoi, parce que le film était dans le noir. Donc, je trouve qu'il y a tellement à explorer au niveau du son. Voilà. Alors, la première question était posée, pas par moi, mais par le deuxième Nicolas, qui est dans ce studio, qui est à la technique, et Nicolas Demoulin. Alors, du coup, par rapport à tout ce constat sur l'importance de l'image, toi, tu sors un album de son, puisque c'est que de la musique, quelque part. Et c'était quoi ton intention avec justement cet album? Mais comme je disais au début, moi je pars du principe qu'il y a de la musicalité et de la beauté dans tous les sons qui existent, et donc c'est le challenge que je prends, c'est de prendre n'importe quel son et de trouver la beauté dans ce son-là. Donc c'était la démarche pour le premier album, c'est aussi la démarche pour le deuxième album. Je dois avouer que le premier album, je ne savais pas trop ce que je faisais. Et voilà, avec les expériences, ben le deuxième, je savais déjà un peu plus où j'allais, ce que je voulais, ce que je ne voulais pas. Je connaissais déjà un peu plus mon public, etc. Donc voilà, ça poursuit les mêmes explorations que le premier. Voilà, quand je me produis en live, aussi pour répondre à la question de l'image, on me demande souvent si je veux projeter de la vidéo ou des lasers ou des néons, et je suis tout à fait contre. Tout à fait contre parce que par exemple au théâtre, on voit souvent maintenant des projections vidéo sur scène, et je trouve que 99% du temps c'est du gaspillage. Je pourrais et même en concert, projeter une vidéo en concert quelque part. Voilà, quand Nina Simone montait sur scène, elle était toute seule, elle chantait dans un micro, c'était épuré, et ça suffisait. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de rajouter des couches et des couches et des couches, et à force de rajouter des couches, ça finit par, affaiblir l'ensemble. Donc moi je suis assez puriste, monte sur scène dans une pièce noire et c'est le son qui doit faire tout le boulot, selon moi. Alors justement là tu évoquais, on reviendra au live putain, et comment tu construis ça, mais justement tu parles de ton premier album, donc de Origamiz, sorti en 2015. À l'époque tu avais à la fois, si je me souviens bien, mélangé des prises de son que tu avais faites toi-même dans des voyages, des prises de son qu'un pote t'avait passé, t'avais des banques de son sur lesquelles t'avais donc ajouté des beats, des nappes, des drones. Cette fois-ci, de quoi est composé ton album en termes de son? C'est la même chose. C'est des sons que je prends. J'ai toujours mon enregistreur Zoom sur moi. Quand j'entends quelque chose, je l'enregistre. Aussi bien dans ma vie réelle que quand je regarde quelque chose sur YouTube, partout, quand ma mère achète une nouvelle machine, en général, je décortique la machine pour avoir chaque son. Voilà, je trouve qu'il y a une richesse là-dedans, et surtout tous les sons. On vit de plus en plus dans un monde virtuel, donc tous les sons qu'on entend, comme je dis, sur YouTube, etc., font partie de notre environnement sonore. Donc il y a un morceau que je vais pas jouer ce soir, mais qui prend la voix des filles qui font du camming sur internet. Le camming, c'est quoi? Ouais, c'est pas une émission pour les enfants, mais le camming, c'est des filles qui ouvrent un compte sur des sites comme Chaturbate, etc., et elles se masturbent devant des internautes qui donnent des pièces, quoi. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai enregistré la voix d'une de ces filles-là, parce que c'est la voix typique Skype, quoi. La voix avec une bande de fréquence très très très très fine, et ce son de pièces qui tombent, c'est devenu un son très récurrent dans ce type d'environnement. Donc voilà, je prends les sons partout, et comme je dis, sans aucune hiérarchie. Bref. Alors la prochaine chanson que tu vas nous jouer, c'est Taps, c'est avec des sons de, tu nous l'as résumé comme des sons de claquettes et des sons du métro de New York. Est-ce que c'est toi qui es allé chercher ces sons ou Ouais, enfin bon, bref, c'est un mélange. Là, j'habite en fait dans une école de danse de claquettes ici à Madou, et donc j'entends des rythmes de claquettes toute la journée, et voilà. J'entends des polyrythmies, etc. Et donc, à force d'entendre ça, je les enregistre et puis je les mélange, etc. Les sons de New York, ça c'était un film d'un pote qui avait été fait en documentaire dans le métro de New York, etc. Donc j'ai mélangé les deux, et ce qui donne une impression d'être ailleurs. Je crois. Eh bien, je vous propose justement qu'on aille vers cet ailleurs, à la fois entre Bruxelles et New York. C'est donc cette deuxième chanson de Nightshades, qui est donc Taps. Et donc Nicolas qui prépare doucement son pad. On vous expliquera le fonctionnement de son instrument, qui est une machine au final. Et donc c'est Taps entre New York et Bruxelles. Ça, au fait, ça c'est simplement le métro de Madou. C'est tout près de chez moi, c'est pas New York. À mi-chemin entre Bruxelles et New York, c'était Taps de Nicolas List en live dans le Memento. Nicolas, pourquoi, d'où ça vient cette idée de mélanger à la fois les sons de ton chez-toi et les sons du métro de chez-toi et les sons du métro de là-bas? Je pense que c'est juste excitant d'un point de vue créatif d'avoir des sons de partout et de pouvoir les rassembler. Je pense que c'est la même chose que un peintre qui va prendre un tissu qu'il a acheté en Inde et qui va le mettre sur sa toile et puis peindre avec des peintures qu'il a achetées dans le village d'à côté, etc. C'est le processus créatif, quoi, je crois. Moi, j'ai une petite question par rapport à tout ça. Le processus créatif, comment ça se met en place, toutes ces histoires? Est-ce que c'est un aspect plutôt timing, parce que tu as reçu ces sons de New York en même temps que bah, tu t'écoutais ces cours de claquettes en dessous de chez toi? Est-ce qu'il y a une recette magique? Est-ce que tu prends les sons et après tu les mélodises un petit peu? Ou est-ce que parfois tu as une mélodie en tête sur Ableton et tu l'habilles de différents sons comme ça? Tout en fait, chaque morceau est différent. Parfois ça part d'un beat, parfois ça part d'un son, parfois ça part d'une conversation, et c'est juste c'est des coïncidences, quoi, qui voilà, simplement. Oui, là par exemple ici, oui, pour le métro et les claquettes, c'est juste que là, à cette période là de ma vie, les deux choses se rejoignaient, donc voilà. C'est un petit clin d'œil aussi avec l'introduction et l'extro, avec le petit clin d'œil avec le métro de Madou, alors, pour rendre, comme tu disais, un petit côté, un petit clin d'œil, un petit côté excitant, créatif là-dedans. Oui, c'est ça, voilà. Et tu dis que tu n'as pas de préférence, par rapport à l'origine fondamentale des sons, si c'est une machine, une musique et tout ça, mais est-ce que t'as une préférence sur l'origine géographique d'un son? Est-ce que tu as, je sais pas, une sensibilité, étant d'origine entre autres américaine, une sensibilité au son qui vient des États-Unis, ou... je dirais que chaque son a une réputation, a un passé, a un poids, et donc quand je parle de la hiérarchie des sons, par exemple, quand vous écoutez... J'essaie de remonter en arrière pour donner une explication claire. La plupart des gens vous diront qu'un son est musical ou ne l'est pas. Mais d'où ça vient cette idée? Et je dirais que il y a des sons qui sont entre guillemets plus légitimes que d'autres, dans le sens où si vous jouez une note de piano, un do, mais vous pouvez faire un do aussi avec un verre d'eau, avec un vase, etc. Pourquoi est-ce que le do qui est fait avec le timbre du piano est considéré comme étant plus musical qu'un autre do? Et d'autant plus que quand vous jouez une note de piano, quelque part, vous activez toute l'histoire du piano avec Bach, avec Mozart, etc. Donc, quelque part, moi, je trouve ça très contraignant au niveau musical de jouer un son avec un tel poids historique de maître, etc. Même chose avec tous les instruments classiques, jouer avec un clavecin, etc. Vous allez... Rien que par le fait de pincer une corde, activer toute l'histoire de cet instrument-là, qui peut peser très très lourd dans le processus créatif. Donc, c'est entre autres pour ça que moi je préfère partir de sons du quotidien, de sons qui n'ont pas de, entre guillemets, de hiérarchie sociale, pour les musicaliser, parce que non seulement c'est gay, mais c'est aussi parce que ça apporte de la diversité dans tous les sons qu'on a l'habitude d'entendre tout le temps. Enfin, quand je dis sons, certains timbres, quoi. Voilà. Tu veux essayer d'évoquer un peu des souvenirs, en disant, par exemple, le son des claquettes ou le son du métro new-yorkais. Il y a peut-être des gens qui inconsciemment vont reconnaître ce son-là parce qu'ils l'ont déjà entendu, mais pas dans un contexte musical. Exactement, c'est ça. Et est-ce que tu as aussi une volonté de chercher justement le son qui n'a aucune référence où le son, où le gens se demandent, mais tiens, mais qu'est-ce que c'est que ce son, d'où ça vient, et est-ce qu'il y a un côté recherche d'essayer de trouver quelque chose d'inconnu auquel l'auditeur pourra pas se référer? Oui, oui, bien sûr. Là, on entre dans le sound design, et c'est vrai que bon, moi, je considère que mon instrument c'est Ableton. C'est vraiment mon instrument avec Ableton et le push. C'est mon instrument. Et avec Ableton, on peut aller aussi loin qu'on veut, aussi en ajoutant des filtres et des oscillateurs et maintenant, il y a Max for Live qui est Max SP où on peut carrément décortiquer live et faire ses propres patchs, etc. et créer des sons qui sont complètement inédits, etc. Donc, oui, ça aussi, c'est très, très gai à faire. Et alors justement, on parlait de la façon dont tu crées une musique. Là, la suivante que tu vas nous jouer, elle vient d'un monologue de film. Est-ce que tu peux expliquer d'où ça vient, comment t'as construit quelque chose par-dessus ça? Oui, donc ça c'est un court-métrage que je regardais sur Vimeo qui s'appelle Crazy Like Me, et ça parle, le protagoniste c'est une jeune fille de la vingtaine qui traverse une crise existentielle, et ben comme vous allez l'entendre, l'ouverture du film, c'est elle se retrouve en face d'un psy et elle explique voilà pourquoi qu'on continue à vivre, en gros la vacuité de la vie, et la psy lui dit mais non, écoute, tu as tes amis, etc. Et en gros le film montre que n'apporte pas de réponse, quoi. Mais moi c'est un monologue qui m'avait vraiment touché, parce que je trouve on touche à quelque chose de, enfin je suis très existentialiste. Je continue à chercher un sens à ma vie. Je cite régulièrement Camus qui disait quand je me lève le matin, je me pose une question, c'est est-ce que je bois une tasse de café ou est-ce que je me suicide? Pour moi, c'est une question fondamentale, et la plupart des gens ne se posent pas cette question-là, mais c'est une vraie question à se poser. Pourquoi continuer à vivre dans un monde de Trump, etc.? Le suicide, c'est un phénomène tabou, on n'en parle pas, et pourtant, il faut bien trouver un sens pour continuer à vivre. Bon, bref, les crises existentielles comme ça, ça me touche. Donc c'est pour ça que ce monologue-là m'avait touché, et donc j'avais contacté la réalisatrice d'abord pour lui dire que j'avais adoré son film et pour lui demander si je pouvais prendre ce petit bout-là pour en faire un morceau. Elle m'a dit oui et bonne chance. Et donc après j'ai écouté le monologue, enfin le dialogue en boucle, et j'ai essayé d'entendre la musicalité dans les mots tels qu'ils ont été dits par les comédiens, et en jouant avec des boucles, etc., et en dupliquant, etc., vraiment comme de la matière première, quoi. Ben je suis arrivé à ce morceau-ci, voilà. Et donc ça s'appelle Spectrum. Tu vas pouvoir lancer ça. Je t'invite à te préparer. Et donc là, on est parti sur des boucles, des samples, des choses qui tournent peut-être en rond, un peu comme les questions existentielles au final. Oui. C'est magnifique. Eh bien. Et on va aussi commencer par un métronome. Un métronome qui donc est physiquement dans le studio et qui va tourner et qui va donc être trituré lui aussi comme tous les autres sons. C'est donc Spectrum, toujours dans le Memento sur Radio Panique. Basically what happens day in and day out. We get drunk, I go to work, I come home, friends, and you go to sleep. Drunk, and this is basically what happens. Drunk, day in and day out. I come home, drunk, and you go to sleep. Day in and day out. What I would really love more than anything is for someone to surprise me. But no one ever does. They all just conform to what society tells them to be. And I guess, sadly enough, so have I. When was the last time you remember being happy? I don't know. I guess when I was too young to think about it. What about your life since graduation? That's got to be exciting. It's a big accomplishment. It's just a piece of paper. It is much more than that. It is a symbol of a lot of hard work and dedication. Can I ask you a random question? Sure. What are people like that come in here? Why do you ask? Well, I guess I'm trying to figure out whether I'm crazy or if the rest of humanity is crazy. I go to work, I come home, and I go to sleep. Every day I wake up. This is basically what happens. I go to work, day in, I come home. Once in a while I see my friend. Every day I wake up. This is basically what happens. I go to work, day in, I come home. Once in a while I see my friend. We go to sleep, we get drunk, and we go to sleep. Sometimes I enjoy it, and I go to sleep. Once in a while I see my friend. This is basically what happens. Wake up, we get day in, I go to work, and I enjoy it. Once in a while I see my friend. This is basically what happens. We get day in, I go to work, and I enjoy it. This is basically what happens. Day in, day in. Spectrum, toujours avec ce. Et voilà, il vient de s'arrêter. C'était donc le rythme de ce Spectrum, toujours en live, avec Nicolas Lys, toujours avec nous sur Radio Panique, toujours dans le Memento. Alors, cette musique était donc basée à la fois sur ce métronome et à la fois sur ce monologue, ce dialogue d'une fille avec sa psy, qui était pas très bien dans sa tête. Et alors justement, là, on aimerait bien, Nicolas, te faire écouter du Chassol. Chassol étant ce français qui va presque à l'encontre de ta démarche, qui est de prendre le son qu'il trouve sur des vidéos et de musicaliser ça, de créer une musique qui est aussi proche du bruit et tout ça, hein, et mais toujours avec le rapport à la vidéo, puisque la vidéo reste et il joue avec ça. Alors on va te montrer ici un petit extrait. C'est donc Chassol, Music is God, My Love. C'est tiré de du film qu'il a fait en Inde. Donc on va te passer quelques secondes, quelques dizaines de secondes, et puis on pourra en discuter. Music is God, my love. Music is God, my love. Music is God, my love. Music is God, my love. Music is God, my love. Music is God, my love. Music is God, my love. Music is God, my love. Music is God, my love. Music is God, my love. Music is God, my love. Music is God, my love. Music is God, my love. On va la garder un petit peu en fond, cette musique de Chassol, Music is God, My Love. Et quand j'écoutais un petit peu tout ce que tu disais depuis le début de l'émission, je savais pas trop où tu allais te situer par rapport à ça. Parce que tantôt, je reconnaissais totalement dans son optique de musicaliser quelque chose qui filme, quelque chose qui voit. Lui aussi, il s'inspire de YouTube, de son qui l'entoure. Et puis tout à l'heure, tu avais un discours aussi un petit peu plus éloigné vis-à-vis de l'image, en disant que c'était le son qui devait ressortir en premier. Et lui, Chassol, il lit les deux. Quand il sort un CD, il sort un DVD en même temps. En concert, il y a l'image derrière, qui est produite par lui-même, évidemment, vu que c'est lui qui le filme. Qu'est-ce que tu en penses déjà, comme ça, avec le bref extrait que tu viens de voir et d'écouter? C'est super, hein. Voilà, je pense que les nouveaux médias amènent toute une foule de nouvelles disciplines et de manières de croiser les disciplines, de les mélanger, etc. Et bah, c'est très novateur, hein. J'adore. Donc quelque part, ça va un peu à l'encontre de ce que toi tu fais, puisque toi tu bannis toute image. Oui, enfin, je bannis. En même temps, tu te filmes quand même quand tu fais des lives. Donc quelque part, il y a quand même une. Oui, c'est ça. Oui, bon, je sais pas, faudrait que je prenne un café avec avec le gars pour voir si si on a les mêmes. Oh, à mon avis, on se rejoint assez, assez bien. Hein. Voilà, donc enfin oui, je suis pas contre l'image en général. Voilà, simplement parce que j'ai vu, comme j'ai dit, j'ai vu beaucoup de aussi bien de concerts que de pièces de théâtre où on mettait un écran et on montrait et on projetait de la vidéo simplement pour faire trendy, et en fait ça n'apportait pas grand chose. Mais ici c'est pas du tout le cas, hein. On est dans autre chose. Là, il y a clairement une recherche de vidéo où le son tourne en boucle, mais l'image aussi, et on ne voit même pas forcément le fait que l'image tourne en rond. C'est avec des transitions parfois assez bien faites quand même. Hein. Oui, c'est ça. Il y a un côté un peu hypnotisant où au final, oui, il y a de l'image, mais c'est tout le temps la même chose et on voit cette même chose un peu différemment, puisque le son, comme tu disais, essaie de l'habiller au fur et à mesure du temps, et on voit l'image qui au final est la même, mais différemment en fonction de. C'est ça. Oui, mais je pense que le cinéma, la vidéo et la musique ont beaucoup en commun. Quand tout est passé au numérique, ben on a vu certaines tendances esthétiques se développer, notamment le glitch, que je dirais, où finalement c'est du bégaiement visuel, etc., qui est très propre au monde numérique dans lequel on est, quoi. Je dirais que, enfin, je pourrais citer d'autres types d'esthétiques qu'on a vu se développer, mais par exemple le simple copier-coller, c'est devenu quelque chose qu'on retrouve partout dans l'image, dans le son, etc. Et on a vu ça surtout depuis le numérique. Quand on travaillait avec des bandes magnétiques, on n'avait pas ce réflexe de copier-coller. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce truc technique, c'est traduit en tradition esthétique presque. Le dernier clip de j'ai vu de Bonobo, c'est ça, simplement une fille qui voit un incendie dans un immeuble, mais c'est chaque fois on voit, par exemple, on voit ABC et puis on revient et on voit BCD et puis on voit CDE, etc. Donc en fait le film n'est pas du tout linéaire, il progresse un peu comme comme Memento, le film, finalement comme ça. Donc bref, c'est super intéressant, quoi. Et alors justement, là, tu parlais des fois, on parlait du fait de projeter en live et tout ça. Est-ce que tu peux expliquer fondamentalement comment ça marche techniquement, un live, pour toi? Qu'est-ce que tu as comme machine autour de toi? Quelle est ton attention par rapport au public? Mon idée, le principe que j'avais au tout début, c'était que je ne voulais pas monter sur scène avec un ordinateur. Ça, c'était clair. J'avais lu un article il y a quelques années, c'est disant, si on avait dit à la génération de nos parents, ou même il y a 15 ans, que des gens paieraient pour aller voir un concert d'un mec sur scène qui tape sur son ordinateur, les gens se seraient dit c'est pas possible. Et donc bref, quand on fait de la musique électronique, c'est déjà une dimension à laquelle il faut réfléchir, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir donner aux gens qui est en plus de ce qui se trouve sur le disque, quoi. Et donc la première chose que j'ai faite, c'était d'apprendre le push, qui est donc l'instrument, enfin le hardware de d'Ableton, qui me permet de tout contrôler. Donc en gros, ça ressemble à un damier qui est à la fois un contrôleur MIDI, c'est un mixeur. En gros, c'est un boîtier qui tu permets de lancer des boucles et lancer des couches sonores, et en même temps aussi de jouer sur des volumes et jouer sur de lancer des effets, des choses comme ça. Exactement. Donc on peut piloter tout le programme à partir du push. L'idée du premier push, c'était de travailler sans regarder l'ordinateur. Avec le premier, c'était assez difficile. Mais là, c'est la deuxième génération et c'est vraiment le cas. On peut vraiment travailler, produire. Et c'est pas seulement lancer des boucles. Je veux dire, on peut le transformer en en clavier MIDI, vraiment comme un piano MIDI et jouer avec, etc. Donc c'est vraiment sans limite, quoi. Eh bien, je propose que tu expliques pour le prochain morceau que tu vas jouer, que tu expliques en live ce qu'il se passe, ce que littéralement tu fais. Plage par plage, couche par couche. C'est donc là, ça va être un mini set DJ set, on va dire, puisque c'est quelque chose de 7 minutes. Donc ça va être préparez-vous à un long voyage sonore. Et donc voilà, on va pouvoir profiter en même temps de l'explication et en même temps de la progression du son. Et donc je vais essayer de faire une vidéo en direct pour montrer rien que la gymnastique des mains et des couleurs de la machine, parce que c'est déjà quelque chose d'assez joli. Et donc Nicolas, on t'écoute. Bon, je vais essayer de faire, je vais essayer de jouer en même temps de décrire ce que je suis en train de faire. Bon, désolé si parfois c'est pas très clair. Je vais aussi parler des sons que je vais lancer. Les premiers sons ici, c'est ce qu'on appelle ASMR, donc ASMR, et donc c'est une pratique qui s'appelle, je crois que c'est en anglais ASMR, Autonomous Sensory Meridian Response. Si vous faites une recherche YouTube avec ça, c'est une discipline sonore en fait qui consiste à sonoriser, prendre le son de sons qu'on appelle des triggers, des stimulateurs qui ont pour effet de donner une palpitation sur la peau qui, dit-on, commence sur la tête et descend la colonne vertébrale. Il y a des gens qui trouvent ça très très excitant sexuellement. D'autres gens trouvent ça très très relaxant, comme de la méditation. Souvent, ce sont des voix de femmes qui chuchotent ou bien qui tapent avec leurs doigts sur la table, et ce sont des voix, ce sont des sons qu'on dirait, je dirais, très intimes, et quand on les sonorise d'une certaine façon, ils procurent un certain effet sur différentes personnes. Donc voilà quelques sons ASMR, comme je dis. Il est rapproché là. D'accord. Très bien. Donc, effectivement, je pense que vous avez un truc. Souvent, ce sont des sons qui sont destinés à écouter au casque, parce que on joue beaucoup avec la stéréo gauche-droite. Donc, ça, c'est l'intro du premier morceau qui arrive. Donc, le premier morceau ici s'appelle Spray. Et Spray, moi je le ressens comme un clash de fréquences. C'est très basé sur la texture, ce morceau-ci. Il y a des sons de poils à frire. Moi, ça me fait penser à de la peinture, quoi. Je crois que ce que j'avais en tête, c'est du Jackson Pollock quand je travaillais avec ces sons-là. Effectivement, il y a peut-être un petit... Donc là, je suis en train de combiner les différents sons. Et les trompettes qui arrivent. Et des chants de moines que j'aime beaucoup. Et ce que j'aime bien dans ce morceau, c'est comment les trompettes clashent avec le chant des moines. Et puis ce qu'on va faire, c'est on va vraiment basculer dans quelque chose qui est qui est un peu plus trash, avec où on va commencer à décortiquer le son. Des cuivres. Et pour ceux qui aiment le noise, voilà. Et je peux continuer à le décortiquer avec les filtres. C'est vraiment pour les gens qui aiment ce genre de truc. Donc, voilà. Pour ce morceau-là. Et donc tout doucement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer dans le prochain morceau qui s'appelle Maze, qui est plus rationnel. Et toujours garder cette texture, comme je disais, qui me rappelle un peu Jackson Pollock derrière, toujours avec les moines. Et donc comment je progresse? Je progresse avec un scénario en tête. J'ai un scénario qui correspond à des émotions que j'ai envie de ressentir à chaque moment. Et donc c'est ça un peu ma partition musicale, quoi. Ce que je trouvais aussi intéressant dans ce morceau aussi, c'était de croiser différentes métriques. On a certaines parties qui sont en 7-8, d'autres qui sont en 5-6, d'autres qui sont en 4-4. Et ça aussi, j'aime bien ça ajoute au clash. Désolé, je suis un peu brouillon parce que je dois expliquer en même temps que je fais. Donc là, on est en train d'arriver dans le second morceau qui s'appelle Maze. Et Maze est plus inspiré de paysages du Moyen-Orient. Je n'ai jamais été au Moyen-Orient, mais j'ai une vision un peu fantasmée du Moyen-Orient. Et c'est ça qui m'a servi de base pour ce morceau aussi. Et donc, voilà mes... C'est un morceau qui est inspiré du Moyen-Orient, donc on a certains instruments. celui-ci. L'ambiance, puis maintenant on va basculer dans le solo, toujours avec le même instrument. Donc le but avec tout ça, c'est de procurer des images mentales. Et de faire voyager. Voilà. The Maze, Nicolas List en live dans le Memento. Nicolas, je suis désolé, mais en fait, on est déjà en retard sur la fin de l'émission de 6 minutes. Et donc, on va devoir arrêter là. On avait plein de choses prévues. Je suis vraiment désolé pour toi et pour tous ceux qui nous écoutent. Pour nous aussi, on avait encore plein de... Absolument. Alors, je suis en pleine hésitation. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de prévu là tout de suite, en même temps que nous. Donc j'hésite totalement à craquer et de finir sur une dernière chanson quand même, et risquer de se faire flageller sur la place publique de Radio Panique. Je ne sais pas. N'hésitez pas à nous contacter sur Memento Facebook si vous êtes contre ça. Mais moi, je vous propose d'être totalement pirate et anarchiste et de finir sur un dernier morceau quand même pour pas finir trop sur notre fin. Alors, tu as quelques dates de concert très rapidement. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce qu'on peut même te trouver en Belgique? Oui. Allez sur ma page Facebook ou sur mon site, simplement nicolaslist.com. Vous trouvez mon adresse email. Et pour les dates de concert, allez sur ma page Facebook, facebook.com/nicolaslist. Donc voilà, allez, je joue beaucoup à l'étranger, en Belgique. Je sais que je serai à Namur en septembre. Sinon. les dates se mettent plic-ploc, donc le mieux c'est d'aller sur la page Facebook et je mets les dates au fur et à mesure qu'elles se confirment. D'accord, eh bien on va te laisser te préparer pour ce dernier petit morceau plutôt rapide, ce sera The Wake si tu es d'accord pour terminer. Oui, combien de temps est-ce qu'il nous reste Fondamentalement, on aurait dû y arrêter il y a 7 minutes, donc fais quelque chose de... Allez, on va se donner 3 minutes, histoire de ne pas trop abuser. Donc, on vous le répète, Nicolas List était avec nous ce soir pour présenter son deuxième album Night Shades. Vous pourrez le retrouver sur les réseaux sociaux, sur son site, évidemment sur SoundCloud aussi. Nicolas List, c'est avec un K et ST à la fin de liste. Et voilà, vous pouvez tout découvrir son album sur toutes les plateformes de streaming, de toutes ces choses géniales qu'Internet a pu créer pour partager la musique. Et donc, on va se quitter sur donc The Wake. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. N'oubliez pas que nous aussi, on est sur Facebook avec Memento Radio Panique. N'hésitez pas à liker, à nous envoyer un message, quitte à nous dire qu'on est en retard. Et donc, on se quitte sur ces derniers morceaux. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines pour sûrement, normalement, cette fois-ci, une émission sur Apocalypse Now. Nicolas était avec moi à la technique. On lui dit un grand bravo. Et puis, passez une bonne soirée. The Wake, Nicolas List. Passez une très bonne soirée sur Radio Panique. Tout de suite après, eh bien, c'est Réservoir Dub et la soirée totalement folle qu'ils vous ont prévue. Passez une très bonne soirée, merci. storm. And because this place is, you know, like that, the sea has to, such additional precautions? And does the bodyguard